Cette émission vous est présentée par Avatar, centre d'artistes spécialisé dans la recherche, la création et la diffusion d'art audio et électronique. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de La Croche-Oreille, émission de CKRL qui porte sur l'art sonore, l'art audio. Je sais pas trop comment l'appeler, Gaétan. Okay. Je suis avec Gaétan Gosselin, mon ami Gaétan. On parle de l'art sonore, de l'art audio. Bon. Écoute, Jean-Pierre, c'est pas le thème de l'émission ce soir, comme tu sais. Il reste qu'on peut faire toutes sortes de distinctions. Oui. Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on travaille avec des sons qui sont fixés, oui. Soit sur un support, donc qu'on peut reproduire quasiment à l'infini. Alors déjà, ça donne le ton sur les différences qu'on peut faire là, sur le plan de l'écoute de ces sonorités. Chose certaine, on n'est pas dans ce qu'on appelle l'harmonie, on n'est pas dans ce qu'on appelle la musique, on est dans quelque chose qui est plus de l'ordre de l'exploration. Et ça, c'est le propre de CKRL que d'offrir à ses auditeurs et auditrices des émissions qui explorent, qui vont plus loin que ce qu'on connaît habituellement et qui repoussent les frontières dans toutes sortes d'univers. Alors, nous ici, ce qu'on fait, c'est qu'on repousse des frontières de la musique ou du son. Et qu'on s'amuse à se promener là-dedans. Et cette semaine, ben, ce qu'on vous propose, ce sont des pièces qui ont été écrites ou produites par des femmes. Hein? Alors, on va commencer, ouais. Gaétan, tiens, avec une. Tu avais une première proposition, tu peux nous faire. Ben, dans le fond, c'est qu'on poursuit une émission qu'on a oui. démarrée il y a déjà quelques oui. semaines, où on se disait, bon, ce serait intéressant d'éclairer un peu l'histoire des arts sonores ou de l'art audio à travers les femmes qui sont souvent laissées dans l'ombre. On parle beaucoup des gars, mais il y a des femmes qui sont pionnières. Puis une d'entre elles au Québec, c'est Micheline Coulombe de Saint-Marcoux. Une artiste qu'on connaît peu. Absolument. Moi, c'est un nom dont j'avais jamais entendu parler. C'est ça. Quelqu'un qui est né dans les années 30, qui est décédé jeune, au milieu des années 80, mm-hmm. À l'âge de 46 ans. C'est une femme qui est dans la musique, je dirais, depuis son enfance, qui va chantonner, qui va apprendre la musique pour ensuite développer, je dirais, des aptitudes assez particulières, notamment piano, ondes Martenot. Et elle va faire son chemin jusqu'à Paris, où elle va côtoyer les grands bonzes de la musique concrète. On pense à Pierre Schaffer puis à François mm-hmm. Bayle, entre autres. Et puis elle va revenir au Québec avec un bagage à la fois sonore, musical, puis conceptuel extrêmement riche puis intéressant. Donc elle va nous offrir des œuvres à la fois influencées par son univers de jeunesse du lac Saint-Jean, les paysages, tout ça, et aussi influencé par ce travail de la voix qu'elle va développer parallèlement au travail musical. Alors ce soir, on va écouter une pièce, des extraits d'un cycle de travail qui s'appelle Arxalalartok, qu'elle nomme, un travail où on va entendre des voix, sa voix à elle, et des sonorités qui sont multiples et qui s'enchevêtrent l'une l'autre. Bon, on y va? On y va. Oh. Gaétan, je vais t'amener, moi, dans un autre univers totalement, celui d'un trio qui s'appelle, qui est composé de Christine Duncan, qui a commencé à apprendre son métier, elle, dans l'église. Elle a fait des chants d'église. Ça comprend aussi une autre qui s'appelle Didi Boykio. qui a fait de la musique expérimentale et qui a rencontré, entre autres, un batteur qui s'appelle Jean Martin. Donc, ce beau trio-là a créé un disque qui propose toutes sortes de sonorités. Et je te propose une chanson, une pièce qui s'appelle Adoba Picapa et qui nous amène un petit peu ailleurs de ce que là où tu nous as amené. Ah! Ben, on sent les influences de Paul Dutton, entre autres, parce que Boy Keogh a travaillé, entre autres, avec Paul Dutton. Puis, tu sais, ce bonhomme-là qui travaille beaucoup avec sa bouche. Il y a un petit côté dada, par ailleurs, qui fait penser à Micheline Coulombe-Saint-Marcou, qui a travaillé aussi dans cet esprit-là. On est dans les mêmes eaux. Il y a un enchaînement, qui a du sens. Alors, à mon tour, on poursuit. Ben oui. On poursuit avec une autre pionnière. Plus jeune, celle-là, bien qu'elle soit maintenant à la retraite, c'est Gisèle Ricard, une figure légendaire au département de musique. Une artiste de Québec qui a enseigné à l'Université Laval pendant plusieurs années. Mm-hmm. Et Gisèle Ricard, ben, tout de même, c'est une compositrice de musique électroacoustique qui est importante dans l'histoire de la musique, des arts sonores du Québec. Importante au sens où elle va créer des organisations liées à la promotion puis au travail de production de la musique, que ce soit de la musique actuelle ou de la musique électroacoustique. Elle va fonder, entre autres, bouge pas que je retrouve mes petites notes ici. Alors, elle va fonder ce qui s'appelle le studio de musique électronique de l'Université Laval. Mm-hmm. Alors ça se passe dans les années 70. Et ensuite, elle va fonder avec des collaborateurs l'Association de musique actuelle de Québec. Et ça, c'est un groupe vraiment de pionniers qui vont œuvrer à la constitution, là, je dirais, d'un corpus d'œuvres électroacoustiques puis d'œuvres sonores vraiment majeures. Puis elle va faire du travail conjoint avec le regretté Bernard Bonnier durant les années 80. Alors, ce soir, on écoute une pièce de Gisèle Ricard qui s'intitule « Je vous aime ». Tout simplement. Gisèle, J'allais dire c'était Gisèle Ricard, mais c'était pas Gisèle Ricard. Gisèle Ricard, Jean-Pierre, je vous aime. Je vous aime. Alors, on va enchaîner avec, avec une jeune maintenant, et qui est pas dans... On n'est pas dans le même univers, mais on va vraiment y aller de façon un peu contrastante. Hélène Matt, une jeune artiste, poète, poète sonore de Québec, et qui est très théâtrale aussi dans son approche, qui est très contestataire aussi jusqu'à un certain point. J'ai choisi une œuvre de tirée d'un disque qui s'appelle Chanson de dégoulinement. J'oublie le titre du disque, là, mais il est question de dégoulinement dans le titre. Mais la pièce que j'ai choisie, elle s'appelle Vroom. C'est une pièce de. Une pièce donc d'Hélène Matt. Voilà. On y va. Go. Devant l'ordinateur, dépassé par l'événement, lire va plus vite que parler. Vroom, vitesse du message.

de lui donner un espace, de la regarder, puis de la faire intervenir dans la vie. Ariane Moffatt et ses rêves lucides à Sentier Secret, mardi 14 avril à 10h. Je pense que la présence de la vie qui pousse dans ma vie m'a fait regarder pour la première fois cette mort-là. Puis j'avais envie de jouer avec, comme pour peut-être me protéger d'être surprise un jour par cette faucheuse, puis de l'intégrer dans la création. Cette émission vous est présentée par Avatar, centre d'artistes spécialisé dans la recherche, la création et la diffusion d'art audio et électronique. Deuxième et dernière demi-heure de la Croche-Oreille. Gaëtan Gosselin, Jean-Pierre Gay avec vous. On est ce soir dans un univers féminin. Gaëtan, on présente des œuvres au féminin. C'est quand même assez étonnant de voir qu'il y a pas mal de femmes qui exercent ce métier-là de faire de l'art sonore, puis on les connaît très peu. Évidemment que quand on parle de l'art sonore ou de l'expérimentation musicale, très souvent, bon, on réfère à des noms très connus comme Pierre Schaffer, Pierre Bayle, Henri. Donc, on a toujours l'impression que c'est un univers essentiellement de gars, alors qu'il y a des femmes qui très rapidement, au début du 20e siècle, vont elles aussi faire de l'exploration sonore, l'exploration musicale. Et j'enchaîne immédiatement avec une compositrice française qui va travailler justement dans l'univers de Pierre Schaffer, de la musique concrète. C'est Eliane Radigue, une artiste dont va me parler Jean-François Laporte, un compositeur de musique, inventeur. Oui, qu'on a reçu ici d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Puis, Jean-François qui se dit pas mal assez influencé par le travail de Radigue, qui a, bon, c'est une compositrice de musique au départ, qui va travailler avec la harpe, le piano, mais qui va rapidement bifurquer autour des machines électroniques, va utiliser toute cette théorisation, puis ce côté pratico-pratique de la musique concrète. Puis elle va travailler avec des sonorités en continu, ce qu'on appelle des sonorités de drone, quelque chose qui fait référence à des univers un peu spectral. Et donc, ce soir, sans plus tarder, une pièce qui s'appelle « Île résonante » qui donne vraiment un bel aperçu du travail de Radigue. Ben, Gaétan, on va continuer un peu sur le même... Sur le même beat. sur la même vague. La même vague, oui, c'est bon ça. Avec Diane Labrosse. Diane Labrosse, qui est une pionnière aussi de l'art sonore, qui a fait avec les gens de Rome et compagnie, René Lucier. Diane Labrosse fait partie de ces personnes qui ont marqué le début de l'art sonore ou de la façon différente de faire des chansons au Québec. Avec une pièce qui s'intitule « Curieux mélange pour l'éternité », c'est ça? Pour la maternité. Pour la maternité. Ouais, alors voilà. On repart. Thank you. for a silly thing. It's one just rebellion, but it happens all the time. Persecutes me because I have better things than me. He's been suffering now. He don't want to speak out loud. Secret police, young man. Secret police. But the rules won't allow it, said yesterday. Readily persecuted. Here, we are still at least on the madman, who said, Luckily, why do you always mess something else when I answer? Well, monsieur, this is why my question was the right one, sir. I never liked it. Siamo. Was it the past time, because I am no longer the Belgian man? Siamo. Siamo. Siamo. But no one turned to that. You know how to say, they must scream grimly. You don't mind war. War is unbuilt. Because calm people, they must ruin their nerve. Why, he said, because they are contrary near, they can do cruel things. One sees them. Sees them rebel, he said. They possess the gift of love, don't you? Hey, not pray. It's pretty funny to say, but you're like pretty much to answer with your hands within your letter, we're going to do well day. And that if I don't love you, I never love you, he says. What is it, Jack? That has happened very well. I think it's the blue. I think it's the blue to me now, so it's getting before you. I somehow got there for a second. It's not so black, but like a bar. I possess the gift of languages, he said, repeat after me again. Yes, monsieur. Spoosk. Spoosk. Spookics. You're looking at me. But of course, monsieur, because me, I look around at anybody else. I don't look into the eye, into the face of someone. I look at the whole when I speak to you. But evidently, one doesn't know him well. When one is a little too close to explaining oneself in that room, nevertheless, the house would be the same as if I sat down like that and knew a doctor would be like, yes, monsieur. I never met doctors. I don't like them because I have never been sick. And I never met a doctor, he says. But you know what a doctor is. I don't like them, monsieur. I hate them. I find this. What if they don't like me? I hate them. He says, because you're rebel and you're elderly and you have to rebel to be bashful, he says. And I mean, other people laugh at you. Subtil. Ben Gaétan, on va se laisser presque là-dessus. Il nous reste une pièce à faire jouer. Alors, je te laisse le plaisir de nous l'annoncer et je vous dis à la semaine prochaine. Merci Jean-Pierre. On va entendre une pièce de Laurie Spiegel, mm-hmm. une compositrice américaine qui roule sa bosse, je dirais, depuis plusieurs années tout de même et qui est une personnalité marquante dans la sphère de la musique électronique. Elle a travaillé notamment avec toute la machinerie informatique et les nouvelles technologies pour produire des sonorités, de nouvelles sonorités au début des années 80. Aujourd'hui, on réécoute ces sonorités-là, on sent que c'est très, très marqué dans le temps. Il reste que c'est une compositrice qui a laissé sa marque et qui est encore très active dans le domaine des musiques pour le cinéma. Alors, sans tarder, on va entendre une pièce qui s'intitule Patchwork. Mm-hmm. Et avec toi, ben Jean-Pierre, on se dit à la semaine prochaine. Bye. Téléchargez la croche-oreille sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Cette émission vous a été présentée par Avatar, Centre d'artistes de Québec spécialisé en art audio et électronique. Les états de conscience altérés.